Zeggen we nu de Silo Hind en Brezonnik? C'est l'heure de retrouver Hind en Brezonnik. Hent ar brezhonek, kentel per an pem, a per ugen, eri, leçon 485. Ça va bien, Henri, aujourd'hui? Oui, ya, ma trin, est-ce que te glem? Il n'y a pas à se plaindre. Prends un amzer. Prends un amzer, ça c'est vrai. On commence, eri, par Gerriou ar vue, avec un mot qu'on entend beaucoup dans les chansons, je trouve. Oui, intan. Intan, c'est un mot qui veut dire veuf. Donc, alors c'est un très vieux mot celtique, hein, on le trouve en gaélique aussi. Et probablement, il existait en gaulois, et qui signifie l'homme qui est seul. Hein. Donc le veuf, quoi. Alors, j'ai mis longtemps, quand j'étais gamin, à comprendre ce que ça voulait dire. Je croyais que c'était une maladie. C'est vrai? Oui. Ah, oui. Parce que j'entendais dire « Enso in tan ». Bon, mais alors on disait « Oh, Enso in tan pelzo ». Il est depuis longtemps, alors je me disais, c'est une maladie qui n'évolue pas vite, quoi, qui ne tue pas tout de suite, quoi. Et puis, de certains, on disait, n'est que chômet. Je me dis, tiens, ça, celui-ci est guéri, quoi. N'est que chômet d'intan. Mais n'est que chômet d'intan, oui. Et alors, un jour, j'ai compris quand même, je sais plus trop comment, que ce que c'était. Mais pendant très longtemps, j'ai pensé que, et on posait pas de questions, tu sais, à cette époque-là, on essayait par nous-mêmes de comprendre de quoi il s'agissait, quoi. Voilà. Alors, intan. Alors, en vieux breton, ça s'écrivait avec deux F. L'intanf, quoi. Le nom de famille, hein, l'intanf, qui vient de là. Qui est un surnom, en fait, qui est devenu un nom, quoi. À force, le nom devient un surnom. Hein. Et donc, c'est un nom de famille qu'on retrouve souvent. Oui, quand je parle de surnom, par exemple, Jean Mainen, hein, celui qui a fait plein de chansons là, qui était né à Kerrien et puis qui a vécu à Henri Vin, avait été surnommé Intan Everdras, le veuf du Grand Launay, puisqu'il à ce moment-là il habitait au Grand Launay. Il avait perdu sa femme, sa première femme, en 1871. Et il est resté veuf 7-8 mois. Oh. Donc, mais c'est assez curieux, quoi. Il n'a pas été veuf très longtemps, mais le surnom lui est resté, quoi. Voilà. Alors, le féminin, c'est intanves. Donc, une veuve. Hein. Et alors, comme tu dis, dans les chansons, il y a beaucoup de... On a souvent ce mot-là, hein. Rien tant de quoi, je m'en gouais de les omar ira d'in roirzi. Oua de verre, nin tant veuse. La première fois que j'ai fait la cour, hein, c'était à la fille d'une veuve. Donc, fille d'une veuve, ça veut dire qu'elle était orpheline finalement, quoi. Il y a aussi en nin tant cause de scolorec. Oui. Mais celle-là, c'est carrément affreux parce que il est veuf depuis, la nuit passée, puis il fait la fête, quoi. En intant cause de scolorec, en intant cause de scolorec, maroui rueganos passet, bamboula guissema, mon orande de gana. Ah oui, je connaissais pas celle-là. Ça chante un pays gavotte. Oui. Et puis dans une durzunelle aussi, hein. Hier vous dire annonce d'Eve, alors potiez intanves. Elle se plaint nuit et jour comme une pauvre veuve. Ouais. Voilà. Alors, intanves, hein, qu'on trouve souvent. Alors, il y a des mots dérivés, par exemple, un intanvage. Hein. Le veuvage. Le veuvage, oui. Un intanvage, le statut de celui qui est veuf, quoi. Et bien, il y a un verbe aussi, intanvésine, hein, pas très employé, devenir veuf. Hein. Et puis, aussi, hadintan, celui qui est veuf pour la deuxième fois. Oui. Après, ça s'arrête. Parce qu'il y en a certains qui étaient veufs plusieurs fois, oui. Dans ma famille, il y en a eu un qui a été marié trois fois. Comme ça, deux fois veuf, et puis la dernière, quand même, l'a emporté sur lui, finalement. Voilà. Et ben voilà un mot qu'on entend souvent et qui est maintenant éclairci un peu. On passe à la seconde partie. Brezhoneg tan ma tamm. Qu'est-ce qu'on va retrouver dans Brézonnec-Tambatambe aujourd'hui? On avait parlé la semaine passée de Ya, le journal Ya. Ouais, je fais des petites chroniques là. J'avais envie de parler du galop l'autre, aujourd'hui, quoi. Parce que le galop, c'est l'autre langue de la Bretagne, hein, de la Haute-Bretagne. Et donc, en breton, on l'appelle galowek. Hein. Galowek, alors que le français, c'est argalek, quoi. Donc, il ne faut pas confondre. Hein. Autrefois, d'ailleurs, on confondait un peu tout ça. Le pays gallo, c'était quelque chose de, qui paraissait lointain. Hein, c'est au moins à 30 km d'ici, à partir de Corlay-Quintin. Hein, donc, mais c'était quelque chose d'assez lointain. Et les gens qui, il y avait très peu de relations, en fait, entre le pays gallo et le pays bretonnant. Hein, c'était une frontière, non seulement linguistique, mais une frontière sociale, parce qu'il y avait très peu de gens. Ici, il y avait une dame qui était du pays gallo, quoi, qu'on appelait Halles, la Galaise, oui. Laquelle parlait très bien le breton, d'ailleurs. Elle s'était adaptée, elle avait appris le breton, mais elle était venue ici au moment de son mariage. Et on l'appelait toujours Halles, quoi. Ça lui est resté jusqu'à sa mort. Voilà, donc c'est pour dire qu'il y avait, en fait, très peu de relations. Mais en fait, c'était une frontière qui était quand même perméable. Hein. Donc il y avait quand même quelques mariages, quelques galops qui venaient dans le pays breton. Alors au niveau de la danse, par exemple, il y avait une influence réciproque. Par exemple, on sait que le pline a été influencé par le rond de l'Oudéac. C'est le même tempo. Enfin, c'est plus rapide le rond de l'Oudéac, mais c'est du pline accéléré. Le pline est un rond de l'Oudéac ralenti, quoi. Je sais pas si les puristes seraient d'accord avec mes explications. Mais enfin, bon, voilà. Et il y avait aussi, bon, il y a pas mal de mots, hein, qu'on trouvait des deux côtés de la frontière linguistique, hein, qu'on trouve dans, quand on écoute les contes en gallo, il y a des mots comme ça. Je me souviens à Pontivy, une femme qui parlait d'une échelle qui s'était draillée, cassée, quoi. Hein. Et puis alors, il y a huché, hein. On trouve tout le temps huché, comme ça. Il y a aussi... Huché, ça n'existe pas en français? Si, c'est un vieux mot français, mais en français, il est plus utilisé, quoi. Hein. Mais en gallo aussi, hein, on huche beaucoup, hein. On huchait. Et on huche en breton aussi. Hein. Et huche à l'en breton, oui. Voilà. Et il y a aussi, par exemple, le tablier d'avant-jard, hein, qui vient de la d'avant-hier, en gallo, quoi. Et puis à la frontière aussi, il y a des noms comme la digitale, par exemple, qui est les burlus en breton, ou brûlu, ça dépend des endroits, et qui donne la berlue en gallo, quoi. Et qui a donné éberlué, d'ailleurs, parce que la digitaline fait croître une action sur la vue, quoi, sur les yeux. Et donc, je dis, la frontière était perméable. Ici, par exemple, on allait à la Saint-Mathurin de Moncontour. Et ce jour-là, les galops étaient d'un côté de l'église et les bretonnants de l'autre. Et on chantait des cantiques en breton, quoi, pour la Saint-Mathurin à Moncontour. Zand Matlin Moncontour, mais war mer d'Agendour. Donc il était. Le patron des filles et de l'eau. Et de l'eau, oui. Il avait un grand secteur d'activité, ce brave Saint-Mathurin. La Saint-Mathurin, c'est le lundi de Pentecôte. Voilà. Donc voilà. Alors il y a aussi dans la musique, hein, il y a des influences réciproques. Par exemple, Tonnerost. L'air du rôti, c'est un qu'on jouait dans les noces par ici. C'est un air qui est venu du pays gallo. C'est en pays gallo, c'est la petite Jeannette. Et dans l'autre sens, il y a des airs, par exemple. Misogande de Castelpaul, Castelpaul, Misobegande des Basevraux, Kerléon, qui sont passés dans le pays gallo et qui sont très utilisés, par exemple, pour faire des riqueniers. Voilà. Alors, bon, tout ça pour dire que le gallo, alors le gallo a subi des influences du breton et réciproquement, mais il a été longtemps méprisé, hein, comme un, puisqu'on disait, d'ailleurs même par les gens du pays gallo, hein, quand on leur parle de ça, non longtemps, ils disaient, oh, ça c'est du patois, quoi, hein. Et le mot patois en français, ça a un sens bien particulier. C'est, il y avait un dictionnaire qui disait une façon vicieuse de parler. Quelle horreur. Ouais, ouais. Je crois que c'est le Larousse, une façon vicieuse de parler. Donc du mauvais français, quoi, hein, du français incorrect, quoi. Alors que c'est une des branches de la langue d'oeil, en fait. Hein. Voilà. Et donc on a fait de ça le verbe patoiser. Hein, et patoisant aussi, hein, des conteurs patoisants. C'est pas un compliment. Hein. Voilà. Alors malgré tout, il y a eu alors on voit depuis quelques années, il y a une renaissance du gallo. Bon, déjà il y a eu des collecteurs comme Sébillot qui avait collecter des contes, hein, beaucoup de contes de Haute-Bretagne qui ont été publiés, mais publiés en français. Et puis, plus près de nous, des gens comme Albert Poulain, hein, qui vient de disparaître, là, le gars de Pipria, donc qui a collecté énormément de choses, hein, en gallo. Et puis, il y a des groupes de chants qui chantent en gallo. Puis, il y a nos amis de Plume FM. Et puis qui font du gallo. Oui, voilà, voilà. Matao qui est parti de Plume FM, mais continue à compter en gallo, Matao Rollo. Oui, voilà. Justement, j'allais en parler, puisque, effectivement, à un moment donné, ils intervenaient sur RKB, puis c'était sympa. Hein. Oui. Et puis, ça n'a pas duré très longtemps. Ce serait bien que ça revienne. Moi, j'aimais bien, c'était vers midi, là. Oui, c'était vers midi. Là, il y avait 2-3 minutes de gallo, c'était ouais, quelque chose. 3 minutes de gallo, ouais, c'était intéressant. Oui. Alors, donc il y a eu, alors donc dans cette optique-là, il y a eu des bouquins qui ont été publiés. Il y a eu une grammaire du gallo que j'ai essayé de retrouver là dans mes archives et que j'ai pas réussi à mettre la main dessus. Donc je pourrais pas vous dire de qui elle est, mais une grammaire assez complète, hein, du gallo. Et puis le dictionnaire, le petit Matao. Alors qui a repris, il y a eu un motier du gallo. En 1995, un motier, ça veut dire un dictionnaire en gallo, hein, c'est joli. C'est très joli. Hein. Ouais. Et puis, en 2007, le petit Matao, hein, donc qui a été rédigé par Régis Auffray à partir justement de la banque de données de Bertène Galaise, hein, qui est une association qui s'occupe de la promotion du gallo, qui a fait. Donc il y avait plus de 10 000 fiches, hein, sur le gallo. Et il a écrit ce dictionnaire qui va dans les deux sens, gallo-français, français-gallo. C'est un peu le favreau du gallo, c'est très intéressant, il y a plein de choses dedans. Et puis alors récemment, il y a Fabien Lécuyer qui a écrit le manifeste du gallo, en 10 chapitres, hein, donc sur le gallo, sur la renaissance du gallo... voilà. Et puis il y a aussi, alors c'est pour ça que j'en parle, parce qu'il y a pas mal de choses en ce moment. Un couple là, Claude et Michel Bourrel, qui a publié récemment Le gallo haute fée et nae et année. Ma prononciation est pas terrible. Haute fée et année, donc autrefois et aujourd'hui. Alors on peut lire du gallo dans le journal IA. Donc il y a un article toutes les semaines. Soit par Fabien Lécuyer ou Régis Auffray ou Patrick Deriano. Et puis, également dans Ouest France, là, moi je dis Ouest Éclair souvent, par Daniel Giraudon. Et voilà. Donc voilà un petit peu quelques. Bon, je pourrais parler aussi des assemblées galaises, hein. Bon. Donc, pas mal de choses autour du gallo. Puis on peut écouter les chanteurs Aubry Ali, Sylvain voilà. Giraud. Il y a plein de gens qui font des super trucs en gallo. Voilà. On en reste là, Henri ? Ben, je crois qu'on va rester là parce que je commence à avoir du mal à parler. Eri, petra zon e vervro. Ben, kalz e draou evel just boer vej di ouzan. Krogomp de diantan evel kiz a kustum gant la bourdouar hag an ur vue war ar mez. Erion bremañ, ba, tost de fin ur blad au vil pemzek. Vi de la bourdouar ne ke begwal vad en traou. Ur priz yuz o chom me dizel, pa de blad. Koulz vi le lez evel vi de mor. Ma trezen vo gwellar blad de zon, hein, me blad au vil ouezek. Spi meus bop de vo gwellar, med evel just ne ke zuyon. War da chenor politik eraz evel just tram ne de un dro tientan vota degou evi de rand vro. Hag breiz bon man un autre ou le drian placemad vi de neidro, hein, vi mond de glaske maout. Ma trez un tapo ur maout ma mestra. Bon evi de Christian Troidec hag evi de Réelas. Bon un traouz au bet dipitus me mestra hag evi de Réel a rezo listen au bihan velvelard ne ke be mad a jeu tambet. Bon gwell vo pisamo vo kont benesul. War dro ur politike reswas. Rezo amar eman war da chen ur strolade ou parezio. Galak velard ze communauté de commune. Pu dur bon vo red chenj en traou ma trezen prestik. Ur prefet da square ba departement nodo en arvor neus dibab de lak ad SCKB gant strolat parezio kalak. Hag bon barouj ou deus votet hag bon tout de barouj ou SCKB astrolat kalak. Zo en, de ce que mes purus d'a très mal, quand elle se vote de Vidrac 13, leur préfète. Guiré m'avait fait bé, grézé, purus d'a très mal, quand elle avait fait bé, bah, crèze, strolade pareil, ou, j'avais fait bé d'un drava, des vitesses, je vois. Mais de bonne, renquête, guélo, pissamo de vos comptes. War un mamestache, une, trauzouez, usvegweld, d'ascouir par ouz mur, hein, mur braise, hein, mur de Bretagne, zoé né vaisseau, bas strolat pondi, hag zo vraiment casse dans de mes, n'in que bika et tambit, hag man casse monde de sidéral de l'arrêté, bas broloude hag vraiment. Ou en que pisa mot de vos comptes, qu'à bonne couste rune, un trous, change, strolat par ouz, hag bromen, man y'a casse monde cuidoise à monde bas l'airel. Ou en que t'as au moyen de dire une orgeuse, quoi le bel, hein. Bon, quoi le vaut, pis sa mot de vos comptes. Comme se rend d'Aralise, de Zorbrezonek, il veut juste, je le gouais, je contente de ce pis, je vais tramer Edouard Dach et Zorbrezonek, mais relevé, je gomme en d'art de Zorgalowek, yez, Brezuel, pis velard de Galo et Galak, hag, Brezonek velak, de velard de Galowek, hein. Hag gant tud eus bro galo, vid ar brezhonek velard le Berton. E le Bertonan. Pu dior ve chanche de... Bon, setu klaskera rezo tiven ar galo, vraiment. Mont o arog, on tamm vel eed en trao arog vid ar brezhonek. Hag krouet zo bet ar strolad, strolad oa krouet pel zo, met... non, vraiment, zo, Bertène Galès, hag, Rawardro, Zivena dur Breizuvel, hag ar Galowek. On ne peut blaver les oiseaux, ou à Bégred, ur guerriadur, à l'art, non, oua, moitié du galo, moitié zo guerriadur, Galowek. Hag, Badoville 16, ou à Bégred, ur guerriadur Brassor, hein. Le petit matau, gant galak galoweg, galoweg galak bentuel, hein, scrive gant Régis Offray. Géris Offray, Régis Offray ne scrive d'or, d'or guerriadur, hein, bon, on a vraiment mardi, bah, vro et non, plus dur, scrive à trop, war, galow en yad, à square, hag, bon, calce trop, on ne scrive des vides, galoweg, hein. Bon. N'est-ce que Gwal Belzo, zo, velmezlar, zo, bédé m'bande de, Galawenze, enfin, bon, zira, seize lasso, ouer lasso, m'estra. hag neveso oa zo bet gret o nel gant or houblad eus bro galo war galo oa gwegel a hudu. Hag neveso, Fabien Lécuyer ne skrivet le tamm lever a zo manifeste du galo. Hag bon, lever zo bedim bandet gant le temps éditeur. A kavet ve barz dek penat evit kompren stad ar galog hudun dei. A kudein oer yes. Bon, hendel, ya, moyen zo de len galog bebzun ba ya, en deel oan komz de ze, de zo gela oan ya, hag ve gred bebzun o on tan penat de galog gant Régis Offray pe Fabien Lécuyer, et Patrick Deriano. A gazo d'idée illustrée, calze draw ve barz. A hendel, ba ouest éclair, ove jesune ve or penat gant Daniel Giraudon. A ve l'ard, ou le galop tel qu'on cause. Bon. Ya, ya, one class que pesaran oa rene scrive de lever le galop haute fée année et Claude à Michel Bourrel. Khat kaven bus. Bon, ya leverze ya pelar in mat, zo barz kan gier, pe tam an vilar mat kan agonan. Gier deus ur galov, gier ya ve klev d'alis, ba kontadenu, hag zo un tam arwez ou un tam des mots symboles du galov, ma peswan. Hag bon, hendel bon galog veget kalz draou, hein, vel l'Assemblée galaise, blanc me vaut l'Assemblée galaise, ba la presne, ba mis vouen. Hag hendel zo kalz ganer yen, hein, vel pesa... Obreali? Ya, Obreali, ra trao brao galog. Hein. Bon, der am komz on tamm de Zevena du Revro, Bebdaou la fe gred ur edad hag evit zikour rak tresou war da chen ar brezhonek hag bon gred oa be daou vil perzek setu bremañ vo gred ba daou vil c'hwezek hag bon klev em eus lar de blan me lans o de zanderblen dros de naunet ba mizebel hein, de no ar nugen vizebel lans o de zanderblen hag Bon, rayo pestro bras, vide des rues et de bénéfines, de seis heures vismets, ben localement donc. Hag, ben, vos moyens de gombe de C, hein, trop même de gombe de C, hein, puis genre, voirant que roi, c'est très blard, tramène au, tramène rayo barostren, mais genre, mais d'honneur de se beurrer. Un nouveau que calze du docel à de ma treizaine, hein, au rotasne, ma treizaine, me mestra. D'où l'assaut, ou abé des chus et de bagronvel, hein, vide gouelen rejen gaul. Justement, puis dur, on te compte de ce goël endreux, jeune goël, bon, 13, trisoir, ce war entre où? Ma 13, ne vaut que gret chine, puis blanc, mais ne vaut que gret, en fait. Puis dur, zo cudil, ou gan, gan orstro, là, quoi. Y a, velmois l'arad, hein, ouais, échu de, bah, vite goël endreux, jeune goël, bah, blad, d'où il perse, hein. Babla de zon, vel meuslar, ne vaut que gred, gwell en drugen gol, ma trezen, bon, on aime vaut zo de voud, ba fin mis tierzu, hag vo gwell pe sa mo de or vid ma trezen or trawel. Peta warland e vije gred be pla, ba la ruen fez non ze merad, hein. Bon, ugen la so vije gred ze, de diant an wabe ba tre malgad, hag waler be gred ba la ruen. Hag blam neus ket bet fez noz e merad, an echu e gant an aferz, me fez noz tout an dud zo bet ba trem algat. Hag zo bet kalz e dud, hein, ba fez noz. Ma trez an vije be muor, ma vije ke bet fez noz ba kiar gris da ma meus noz. Me bon pet zo bet tud, hag ba kiar gris me zon zo bet kalz e dud ive. Hag gwell em eus ba raun vide ur fez noz yowang zo bet kalz e dud blam e roaz. Comme ce mois d'art à Irland et de Zona de Bugal et Kreis Breis, ou à Begret Bagourin, gant ur strolat bot kellen, hag blanc me vaugret roas, plus durement ur Bugal et otis qui connaouenou, et vide mon noir leuren, Bagourin bamis meurs. Hag zizo un dravad, lakad un Bugal et de de brillante vie de vie monnoir à l'heure, hein, zéra courage tête de la bourre à part de plat. À cette uvo guel de vugal et crise braise na han blanc roise et à raison tu scolage ou de ce scoliou tientor velarim pelarim de ce gourine de ce fawet de ce landgondet de ce plouet de ce ker de ce rostren de ce gronwel de ce carèse à de ce melcarès à vocal ce vugal et warlurn. Bon, c'est une même qu'elle on tombe trop à pessonner et bavro. Alors, en dar, tu es norvégienne, Morgane? Kino Eri.